Georgista, la Sainte Eusébie, lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Madame Veuve Baudet vendait pour 2 sous d'aiguille à la petite bonne du quincaillier lorsque son fils, Victor Baudet, traversa l'étroite boutique. « Tu sors, Toto ?»« Oui, m'en. »« Ne rentre pas trop tard. »« Non, m'en. » Et Toto sortit, cependant que le mince accent circonflexe qui tenait lieu de bouche à madame sa mère, se relevait aux deux bouts jusqu'à devenir, presque, pas tout à fait, une simple ligne horizontale. Était-ce un sourire ? Non, eussent répondu sans hésiter tous les habitants de la petite ville, car il était de notoriété publique qu'on ne voyait le mince sourire de madame Baudet que lorsqu'elle entendait dire ou disait du mal de quelqu'un. Monsieur Toupinard, le coiffeur, prétendait bien l'avoir vu rire comme une personne naturelle, le jour où le charcutier d'en face avait pincé sa femme en flagrant délit. Mais tout le monde sait que M. Toupinard est un hâbleur qui prétend avoir eu un tas d'aventures extraordinaires. Et pourtant, c'était un sourire. Oui, madame Baudet avait souri, comme si elle n'était pas madame Baudet, en voyant sortir Totor et en pensant que c'était le lendemain la fête de Sainte Eusébie, sa patronne. Tous les ans, le 20 juillet, la vieille dame posait son accent circonflexe sur la joue de son fils, puis lui glissait un louis dans la main en disant « Bonne fête, Totor !»« Merci, maman !» Puis Totor remontait à sa chambre pour serrer le louis dans le coin de droite du tiroir gauche de son lavabo, où sa mère allait constater 2 ou 3 fois chaque jour que la pièce d'or ne s'était pas envolée. À partir du 1er août, la vieille dame insinuait adroitement à chaque repas qu'elle avait grand besoin de 5 mètres d'une certaine étoffe que les galeries de la rue Saint-Paul liquidait à 3,95 francs. Totor faisait un petit calcul mental, puis poussait un gros soupir. Le 12 août, avant-veille de la Sainte Eusébie, il reprenait le louis, décrochait au mur de la cuisine la clé de la porte de la rue, dont il n'avait le droit de s'emparer qu'à cette seule occasion. Puis il sortait, à la nuit tombée, d'un air indifférent. Madame Baudet fermait la devanture de sa boutique et allait se coucher, contre l'ordinaire, sans attendre son fils. Le lendemain matin, celui-ci l'embrassait, en lui remettant un paquet enveloppé de papier gris. « Bonne fête, maman !»« Merci, Totor, quelle bonne surprise !» Puis elle allait voir si la clé avait repris sa place habituelle. En sortant, ce soir-là, Totor respira longuement la fraîcheur du soir, puis tâta son louis pour voir s'il ne l'avait pas perdu. Ce fils modèle avait 19 ans. Un grand nez plein de concupiscence, et trouvait la vie amère, parce qu'il n'avait que 40 sous par semaine pour ses menus plaisirs. Il allait à pas flâneur, regardant les femmes et les magasins, et rêvant à tout ce qu'on peut acheter pour un louis. Hey, « Hé, Totor, tu es en bombe ce soir ?» Totor se retourna et reconnut le fils Touron et le fils Barbette, 2 heureux mortels qui tirent à des papas bénévoles des carottes de 50 francs et qui scandalisent toute la ville en se promenant bras-dessus, bras-dessous avec des demoiselles. « Ah, tu viens à l'anglais, sacré farceur. T'as déjà reluqué une nouvelle serveuse, toi aussi. »« Moi, à l'anglais, où ça ?»« Devant ton nez, lampoté. » Totor leva les yeux et vit une vitrine où, parmi les lignes caro-collantes d'un vitrail en délire, s'étalaient ces mots « bar anglais ».« Entre, j'offre la première tournée. » Et avant d'avoir pensé à ce qu'il devait répondre, Totor, poussé par 4 bras vigoureux, se trouva hissé sur un immense tabouret, admirant de tous ses yeux la grosse victoire, la nouvelle serveuse. « Une chouette femme, hein, mon vieux !» Minuit avait sonné depuis 2h35 lorsque Totor s'arrêta devant la maison maternelle. Solidement calé dans l'angle de la porte, il entama une lutte désespérée avec sa clé, qui montrait cette année-là un mauvais vouloir extraordinaire. Elle se mettait en travers de la poche, s'accrochait de toutes ses dents au moindre pli et refusait obstinément de sortir. Le combat fut si laborieux qu'après sa victoire, Totor ressentit un immense découragement en songeant aux formidables travaux qui lui restaient encore à accomplir avant d'être couché. La nécessité de ne faire aucun bruit l'obsédait à un tel point qu'il se mit à chanter tout haut sur un air de sa composition. « Ne faisons pas de bruit, ne faisons pas de bruit !» « Tiens, ça rime, » pensa-t-il, très surpris et très satisfait de lui-même. Et cette profonde pensée lui rendit de telles forces qu'il mit à peine 10 minutes à ouvrir et à refermer la porte. Dans le corridor, il lui fallut 10 autres minutes pour enlever ses bottines, malgré l'excellente idée qu'il eut, pour procéder à cette opération, de se coucher sur le dos, les jambes dressées contre le lambris. Ses chaussures à la main, Totor, pour se procurer de la lumière, gagna la cuisine, en frôlant alternativement les deux murailles. Après avoir plongé les doigts dans du cirage, puis dans du beurre, il trouva enfin les allumettes, et c'est tout au plus qu'il en frotta 19 avant de réussir à allumer le bec de gaz. Très fier de ce brillant résultat, Totor s'octroya un moment de repos. Mais soudain une chose le troubla. Au milieu d'un panneau s'étalait une énorme horloge à poids, agrémentée d'un réveil matin, et célèbre dans la famille pour ne s'être jamais arrêtée une seconde depuis plus de 50 ans. Et dans le calme profond de la nuit, le grave tic-tac du balancier prenait des sonorités effrayantes. « Sacré Ross !» murmura Totor. « Elle en fait du potin ! Elle va réveiller maman !» De son inquiétude grandissante, une idée dut jaillir, car un sourire idiot illumina sa face. Lâchant courageusement la table, il plongea vers la muraille, rata le buffet auquel il avait espéré se cramponner, et parvint néanmoins à s'installer sur une chaise, à portée de l'objet de ses préoccupations. Alors, laborieusement, il entreprit de ligoter le balancier avec les cordons de ses bottines, tâche difficile, mais que rien n'eût pu l'empêcher d'accomplir, car il avait maintenant la conviction absolue de sauver sa mère d'un très grand danger. Et c'est avec des larmes dans la voix qu'en enchevêtrant de nœuds inextricables le balancier désormais muet, il murmura très ému. « Pauvre petite maman, ma pauvre petite maman !» Le sacrilège était accompli. L'horloge se taisait, grandeur profanée, portant les bottines comme un galérien porte ses fers. Totor prit un peu de recul pour mieux contempler son œuvre et cligna de l'œil en artiste satisfait de lui-même. Puis, ayant allumé son bougeoir, il gagna l'escalier en laissant soigneusement flamber le gaz. D'avoir accompli d'aussi difficiles besognes, sa confiance renaissait. Et ce fut un jeu pour lui de grimper ses 2 étages à 4 pattes en posant le bougeoir de 3 marches en 3 marches. Dans sa chambre, il mit à peine un quart d'heure à enlever son veston, son épingle de cravate et une de ses chaussettes. Il enferma soigneusement dans son armoire à glace le traversin et les couvertures de son lit, effeuilla vainement tout son calendrier pour savoir quelle heure il était, et s'étendit enfin sur ses draps avec la conscience du devoir accompli. Pendant quelques instants, les efforts qu'il devait faire pour conserver son chapeau sur sa tête l'empêchèrent de s'endormir. Mais cette préoccupation s'effaça bientôt, et pour la première fois, l'âme de Totor sombra dans l'abîme sans fond, dans le gouffre noir des sommeils puissants et lourds, des sommeils de plomb qui suivent les grandes cuites. C'était un tout petit rayon de soleil. Et cependant, il avait fallu un concours de circonstances extraordinaires pour que ce petit rayon pût arriver jusqu'à la chambre de Madame Baudet, où jamais un rayon de soleil n'était entré avant lui. Il avait fallu que, dans la grande maison d'en face, le tapissier vînt enlever les lourds rideaux de la salle à manger. Il avait fallu que, pour déclouer les tapis, on ouvrit une porte qui ne s'ouvrait jamais. Il avait fallu qu'un des stores que Madame Baudet baissait par décence avant de s'endormir eût reçu la veille un petit accroc. Il avait fallu, en outre, que toutes ces ouvertures inaccoutumées se trouvassent situées sur une parfaite ligne droite, tirée entre le soleil qui se levait là-bas, tout là-bas, et l'oreiller de Madame Baudet. Car c'est sur l'oreiller de cette respectable dame que le malin rayon était venu, hardiment, dessiner une petite lentille dorée. Doucement, doucement, en suivant une oblique descendante, le petit rayon gagna les cheveux gris verdâtres de Madame Baudet, qui dormait de l'air le plus sérieux du monde. Des cheveux, la tache d'or gagna le front, puis les sourcils, puis la paupière. Madame Baudet dormait toujours. La petite lentille descendit encore un peu et vint se poser sur le double bourrelet rouge qui tenait lieu de cils à Madame Baudet. Le bourrelet rouge frémit légèrement, une fois, deux fois, trois fois, s'ouvrit avec lenteur, puis se referma bien vite en clignotant d'une façon convulsive. C'est alors que, les décrets du destin étant accomplis, la petite femme de chambre dans la grande maison d'en face, la petite rousse qui a de si jolis yeux bleus, vint fermer la porte qui ne s'ouvrait jamais. Et voilà comment Madame Baudet, une fois en sa vie, fut éveillée par un rayon de soleil, ce qu'elle ne croirait pas du reste si vous alliez le lui dire. La vieille dame rouvrit l'œil droit, puis l'œil gauche. Elle resta un moment immobile, le temps de renouer connaissance avec les objets familiers pour s'assurer qu'elle n'avait pas été transportée pendant la nuit dans une caverne de brigands. Puis elle tourna la tête et regarda sa petite montre d'argent posée sur la table de nuit. 7h35. En un clin d'œil, la maman de Totor se mit sur son séant, saisit la montre et l'appliqua à son oreille. La montre marchait, et pourtant c'était impossible. La fidèle horloge de la cuisine ne pouvait être en défaut, et Madame Baudet ne pouvait pas ne pas avoir entendu, pour la première fois de sa vie, la puissante sonnerie qui résonnait jusqu'au grenier de la maison, tous les matins à 6h30. Prestement, la vieille dame sauta du lit, courut entr'ouvrir la porte et tendit l'oreille. Nul tic-tac ne montait dans le silence de la cage d'escalier. Des visions de cambrioleurs, d'inondations, de murailles effondrées traversèrent le cerveau de Madame Baudet, car elle pouvait douter de la lumière, douter du soleil et du jour, mais elle ne pouvait douter de son horloge. Son âme en était si troublée qu'au lieu de s'agenouiller, selon sa coutume, sur la chaise basse qui lui servait de prie-Dieu, elle fit sa prière en s'habillant précipitamment. Elle se signa avec une de ses jarretières, le pater fut bredouillé dans l'eau de savon du lavabo, et le « Je vous salue Marie » s'étouffa dans les plis de sa serviette. Vêtue en un tour de main, Madame Baudet gagna l'escalier et dégringola jusqu'à la cuisine. « Des cambrioleurs !» gémit-elle. Sous la grande clarté du matin, le gaz flambait ridicule, de noires empreintes de doigts tachaient les meubles et des lumettes brisées jonchaient le sol. Et l'horloge, la fidèle horloge. La vieille dame en eut un sursaut d'horreur. « Des bottines, dit-elle. Les bottines de Totor, ces bottines neuves de l'année dernière. » Affolée, sentant sa tête se perdre, elle éteignit le gaz, gagna l'escalier, grimpa deux étages et pénétra en ouragan dans la chambre de son fils. Une odeur aigre et sûrie emplissait la pièce aux fenêtres closes. Sur un lit dépouillé, Totor, à moitié dévêtu, ronflait la bouche ouverte, la face pâle et boursouflée, reposant sa tête lourde sur un chapeau aplati. Et nul paquet enveloppé de papier gris. Sur la table, les yeux fouilleurs de la vieille dame découvrirent, jetés là avec un incroyable dédain, une poignée de menues monnaies, 2 ou 3 francs tout au plus. Alors Madame Baudet comprit. Un grand déchirement se fit dans son âme, et elle vit s'écrouler, en un effroyable cataclysme, les immuables traditions d'économie austère de la maison Baudet. Elle fourra dans sa poche la misérable poignée de billions, puis, rageuse, se précipita sur Totor, et tambourinant de toute la force de ses maigres poings la grande carcasse inerte, elle clama d'une voix éperdue. « Voleur, voleur, rendez-moi mes 20 francs, voleur !»